ça prend colloque et pesé. Je dis à monsieur, nous même garçon, ça c'est tout banon. Non, non, mais plein bête méchant, les bêtes qui comptent manger mon. C'est pas vrai que seulement pour votre mauvais nom. Hier, nous tape raconter sa femme colloque et pesé. Je dis à monsieur, nous même garçon, ça c'est tout banon. Non, non, mais plein bête méchant, les bêtes qui comptent manger mon. C'est pas vrai que seulement pour votre mauvais nom. C'est vrai, nous mêmes garçons, nous méchants. Femme yo coloquette, nous mêmes non ces garçons. Doki est fait, Doki est fait, Doki est fait, Doki est. Doki est fait. Garçon colon, garçon papa y femme l'argent. Doki est fait. Garçon colon, garçon qui enragé. Doki est fait. Garçon colon, garçon toujours bas femme. Doki est fait. Garçon colon, garçon qui déchaîne. Doki est fait. Garçon colon, garçon, papa y femme l'argent. Donc il est fait. La con sa malheur est à beau diable. Ni honte, ni gêne, de ses petites têtes qu'il a pendue. Enfin, garçon colon ça yo, yo bon système. Par exemple, avec mon fille, yo pas travail. Yo pas j'en font effort, yo font bagay. Ratise dans le drive, vous le voyez. Tu as été malaise là, tu as que normal il ne peut pas dégager de petit sachet femme, en fait ta souque pas talon. Et on dit Jean non, c'est pour fréquenter, c'est dans drive pour vous. Et on pas travail pas passer compte dans caille là. Bon. Bon la bagarre grive encore. Monsieur pas bon monsieur. Là va ça m'en ballon 10 gouttes. C'est dans 10 gouttes là. Vous voyez pas petit clair dans zone. Cigarette ou petit glace. Respondant, c'est pour venir pour le faire manger, pour le mettre sous les barres toujours. Mes amis, on met il s'en plaît. Ça sont fait exprès, non. Ça va bon, pas bon, monsieur. Mais je dis, comme tout le dit nous, c'est rêvé, on tape toujours serré pour m'banou. Et m'banou, m'banou, non, pour nous. Oui, c'est malhonnête. Où est garçon colon ça, yo? Next, c'est un système, par exemple. Yo pas voulu tenter, par exemple, pour madame ta qui bonne. Dis tout dans la caille. Depuis elle l'a mouri. L'en 4 pattes dans la caille, c'est châtié, l'en 4 pattes. Alors pas de reine pour lui. Là, elle passe, elle dit maintenant, elle va y avoir un fleuraille. La mère elle est Embray. Bon, là le bagage, on grive encore. L'ordre de pied sorti, il a pas entré dans la caille. J'ai laissé sous table, c'est mon abgadi. S'il va y avoir une manger, attendez. Blau. Mes amis, il n'est pas bon, c'est tu as tué malheureux. Il n'est pas bon du tout. Alors, on le bagage, oui. Bah, très important. Yo mange du. Yo bre du. Yo fume du. Yo dormi du. Yo pas travail du. Yo fait tout à fait yo du. Et puis, yo pas laisser madame yo fréquenter voisinage. Yo pas bon pour du. Garçon colon. Garçon, qui est fait.